soleil tente de pénétrer tant de jours. Malgré le manque cruel de Trudel Denis, on commence cette édition de 70%, la première depuis que j'ai 30 ans. Ça sonne techno, ça. En fait, c'est Alexander Prevert qui est un des grands de remixage de tonnes de jeux vidéo. En fait, c'est un des seuls noms que je connais. Et puis ici, ben, il s'est amusé à refaire Castlevania 2. Et puis, ben, il l'a inclus dans le Overclocked Remix que si souvent j'amène des extraits pour faire notre trame sonore ici en fond à 70%. Une émission assez iconoclaste parce qu'il n'y a pas Israël. Je me sens comme... C'est bizarre. En tout cas, il y a Bruno, hein, man? Ouais, au moins, moi, je suis là. Bruno le blindé, encore avec des nouvelles. Ouais. Tu vas-tu nous faire un en manchette cette semaine, juste après que je parle de ce que je vais parler? D'accord. All right. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai amené une grosse collection, grosse collection de piles de publicités différentes qu'on m'a donné à ma fête. En plus, ben, il y a quelqu'un qui avait promis jadis de venir nous parler de pêche. Puis, ben, c'est ça, Mathieu, t'es là. Je sais même pas ton nom de famille, Mathieu. Mon nom de famille, c'est Bélanger, Tommy. Ah, c'est Bélanger. Ah, Mathieu Bélanger, de son nom. Et voilà, Mathieu Bélanger qui va nous parler de pêche, parce que ça s'en revient, hein, veux pas. La période revient. Eh oui, le printemps sera parmi nous d'ici peu, et les maniaques de la pêche seront de retour sur les lacs à se geler le croton. Ah, il y a une voix de radio, le Bélanger. Ouais. Hein? Aïe, vas-y. D'accord, alors ben, ce soir, en manchette, on va parler de crucifixion, de vol, de suicide et d'anus. Ah, ouais, bon, hein, t'as eu peur, hein? T'as eu peur un petit peu. Puis, à part de ça, aujourd'hui, moi, j'ai amené le Guinness Book of World Records 1977. Oh! Fait que je vais peut-être vous sortir des petits records une fois de temps en temps de quoi que ça avait de l'air en 1977, hein? Parce que. Puis pour rester dans le thème des années 70, j'ai aussi amené un vinyle. Ah bon, oui, hein, qu'on va écouter tantôt, j'espère. Ouais, ouais, on va essayer de faire marcher ça. On va en parler si on a le temps. C'est quoi, c'est James Last? C'est James Last. Que toi, tu comparais au Daniel Desnoyers. Ouais, c'est un petit peu comme le MC Mario des 70s. Le gars, il reprenait des hip-hop qu'il remixait version big band. Wow. Ouais. Et puis, il y a genre une douzaine d'albums, ou peut-être plus, qui s'appelle Non-Stop Dancing, volume X. Et voilà. Et dans lesquels c'est vraiment du non-stop. Donc, t'as un beat de big band en arrière. OK. Qui arrête pas pendant que t'as des tunes connues qui pour jouent. Pour te driver jusqu'à temps que t'ailles mal partout. Jusqu'à temps que tu revires le disque de bord. Ouais, puis c'est apparemment souvent parce qu'on est allé dans un chalet ce week-end pour ma fête avec la famille. Puis il y avait une grosse pile de vinyle. Et puis il y avait un disque en vinyle, ça, je vais m'en rappeler longtemps. C'était des bruits de battements de chien. De cœur. Des battements de cœur de chien avec différentes maladies. Tu sais, c'est pour comme, mettons, un vétérinaire qui apprenne à reconnaître. Mais tu sais, pour un néophyte qui en a rien à faire, c'était vraiment 45 minutes de... Puis là, ben, c'est ça. C'est... on l'a écouté. Marc Drouin, ses échalotes aussi, quelle aventure. Ah, mais on va... ah, c'est vrai, moi... En fait, aujourd'hui, chez nous, on va écouter tantôt les Shepherd Boys. J'ai amené un petit texte que j'ai jadis lu et puis des extraits montés en boucle sur cet excellent film qui met en vedette des ados de la police, des anarches de la police. Eh ben voilà, Monsieur Trudel Denis. Ah ben, come on! Colle! Ah, non, non, non, non, non, non, non, on a parlé. C'est ça, cela dit, l'excellent Shepherd Boys, les Anarches de la Poly, qui découvrent les joies de jouer avec leur corps, finalement. Là, on va voir avec eux comment que la chose évolue. Et puis, ben, grâce à monsieur Étienne Forêt, c'est ça, j'ai plein de publicités différentes qui viennent de toutes sortes d'affaires différentes. Fait qu'il va y avoir souvent des publicités bizarres qui viennent de différentes dates et de différents produits. Mais ce sont des vraies publicités, j'insiste. Sauf deux de ABO, là, mais ça va être pour mettre en contexte et en concept. Fait que de toute façon, là, hein, ça va faire de parler. On va écouter le club Kiwanis de Laval qui chante la chanson « Nos Canadiens » parce que « Nos Canadiens », ils rapent, c'est un site solide. On vous revient à 70% pour les vraies valeurs avec Israël. Les vraies affaires. Ah, Ray. Je suis fier de la collection Daniel et je n'hésite pas à la porter. Je vous invite à le faire vous aussi. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good-tasting a cigarette can be. Carole Charon, conseillère couleur. Problème, mal de tête. J'ai l'impression que c'est de chaque côté de la tête, là, je reçois des coups de marteau. Connaissez-vous Tylenol? Pas du tout, non. Je doute vraiment que Tylenol soit efficace. Des études cliniques ont prouvé que Tylenol a assez de puissance pour soulager la douleur efficacement et sans déranger l'estomac. Comment vous sentez-vous? Je ne l'aurais pas cru. Tylenol a complètement effacé mon mal de tête. La prochaine fois que j'aurai mal à la tête, je prendrai sûrement du Tylenol. Ah, elle prendra sûrement des Tylenol la prochaine fois. Excellentes cigarettes. Car ça l'a fonctionné. Alors, on y va en nouvelles. Alors, à chaque vendredi saint, et cette année n'a pas fait exception, aux Philippines, un groupe de catholiques dévoués font une reconstitution très réaliste de la crucifixion. Cette année, dans la ville de San Fernando, quatre hommes se sont fait clouer les pieds et les mains à une croix en bois pendant que des dizaines d'autres se promenaient pieds nus dans la ville en se flagellant. Le département de la santé a fortement suggéré aux pénitents de vérifier la condition des fouets. Ils désiraient que les gens utilisent des fouets bien entretenus. Ils ont aussi suggéré que les clous soient désinfectés et que les crucifiés reçoivent un vaccin pour le tétanos avant la cérémonie. Hey, c'est quand même assez weird. J'ai envie d'avoir un autre, j'aimerais ça avoir une autre nouvelle. Ouais, ouais, ok, alors on one. Continue. La police italienne recherche un homme qui a volé un supermarché en hypnotisant la caissière. C'est bon ça. Sur la vidéo de surveillance, on peut voir le voleur qui semble hypnotiser la femme, qui lui donne ensuite 600 lire, pardon. Puis il sort du magasin calmement. La caissière à qui on a montré la vidéo ne se souvient de rien et ne s'est rendu compte de ce qui s'était passé qu'après avoir vu qu'il manquait de l'argent, dit-elle. Ah, Dieu, hein. Saviez-vous qu'il y a à peu près une personne sur 10 seulement qui peut être hypnotisée? Ouais, c'est... Ça veut dire que ça devait être drôle de voir l'enquête que le gars y a menée pour essayer de voir où ça pouvait marcher. Parce que ça a pas marché, mettons, 9 fois ouais, avant. Mais c'est pour ça que quand on voit des shows d'hypnotiseurs, il en cancelle tout le temps. Il fait monter 20 personnes, puis à la fin, il y a un résultat. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il pointe des sujets les plus aptes. Hypnotisable. C'est intéressant, toi, ce qu'on dit. C'est de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais laisser ça aller, le flow. Je vais suivre le flow. Ok. Là. Mais je vais vous parler de Asshole, un démo de punk vraiment exécrable que j'ai trouvé. Ben d'ailleurs, parle-nous-en direct là, man. On va la partir tout de suite, juste après. Ok, Asshole, je sais pas, là. Attends, ben tu peux-tu. T'as mis le disque dedans, le. Ouais, le c'est ça. Je vais payer la pochette pour vous en parler parce que c'est toujours plus intéressant quand j'ai les informations. Fait que là, on sait que Masturbation Anonyme, la chanson qu'on va écouter tantôt, c'est la 8e avant une chronique de pêche sérieuse et des nouvelles intéressantes. Alors, oui, Asshole est un groupe de punk de on sait pas où. Ça, parce que sur la pochette, c'est pas trop dit. Puis c'est vraiment bizarre, là. La pochette est dégueulasse. Ça s'appelle Brochette devant le Parlement. Ça a été photocopié, genre là, vous voyez, c'est un CD par exemple, mais un CD gravé avec Asshole écrit dessus au crayon Sharpie. Je vais vous lire juste les tonnes, puis laissez-vous emporter. On fait ça, man. 1. Le Bayou, ça c'est pas pire. 2. Anus élargi. Élargi avec un E, ouais. Le troisième s'appelle Pascal. Je sais pas si c'est les degrés. 4. C'est Lamster. 5 SOS, 6 brochettes devant le Parlement, 7 esprit tourmenté, ouais, on se demande pas pourquoi. 8 masturbation anonyme, ça c'est celle qu'on va écouter après, puis 9 ST. Parce que dans le domaine du punk, on peut trouver beaucoup de démos comme celle-là, mais celui, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il nous donne son adresse. C'est que commentaires et suggestions, Asshole, 1755 rue Mathieu à Saint-Hubert. À Saint-Hubert? Ouais, puis c'est ça, il remercie une gang de personnes qu'on s'en crisse, puis il s'appelle Carl Plante. Nicolas Leclerc, Mathieu Fortier et Kevin Lorrain. T'es sérieux, il y a vraiment Mathieu Fortier là-dedans? Ouais, vous le connaissez pas? Non. Ah, c'est un gars réputé sur la rive sud là, à Saint-Hubert pour faire des gigs de punk. Là. Il a déjà reviré le chemin Chamblé à l'envers. Mais tu l'as su pour vrai? Ouais. OK. On va Mathieu Fortier, man. Non, mais peut-être que ça pourrait être du matériel pour inviter, pour essayer de comprendre. Ouais. Parce qu'en attendant. Puis de l'aimer. Dans le fond, je vais lui écrire. Puis sûrement que la mère du jeune va recevoir. Lui, il doit être en appartement, c'est pas. Mais sa mère va lui dire ouais, t'as reçu du courrier. Ça va bien veiller. Sinon, ben, on écoute Masturbation Anonyme. Je tiens à dire, je l'ai acheté une pièce. Ah, bon, voilà. Puis est-ce qu'il y a une année de release là-dessus? J'ai acheté ça parce que au Sound Central, mon magasin de punk préféré. D'ailleurs, j'aimerais l'inviter, le gars de Sound Central, à mener. Il y a comme un bac à une vieille cassette, puis à des démos. Là, puis d'ailleurs, question pertinente, est-ce qu'il y a une année là-dessus? Oui, j'essaie de voir, mais non, c'est pas clair. Ah, je vais vous lire la fin des remerciements. Puis tout le monde qu'on aurait dû remercier, puis qu'on a oublié, on vous aime. Pour ceux qui nous ont fait chier, vous vous reconnaissez, mangez donc de la marde. Hey, ça, c'est punk. C'est nous autres. On va aller voir, on va aller se pogner une bonne idée, on va se saucer comme il faut. On vient juste après pour des pubs. Là, avant, c'est vrai, les pubs, on a eu Daniel Spécialité, les Camel Cigarettes et puis Tylenol. Carole Charon, filmé à son insu. On vient de parler de Mathieu Fortier. On va écouter ce que Mathieu Fortier a fait. La chanson 8, Masturbation Anonyme, ceux qui veulent pas qu'on se masturbe. Mais... À 70%. Ouais. Ouais. Alors, les trois accessoires de salle de bain. Sauf vertico et vénitien que nous fermez contre le plâtre pendant que vous attendez. Quand quelqu'un vient chez vous, il dit « Oh, c'est beau! » Où l'avez-vous acheté? Un sage a dit « Ne juge pas un homme avant d'avoir marché 1 mile dans ses souliers. » J'ai chaussé les miens et ils m'ont conduit sur le sentier du changement. Je vis mieux, je mange mieux. Et quand je mange la margarine, je choisis Fleischmann. La margarine à l'huile de maïs Fleischmann, un pas dans la bonne direction. Quand je pense à l'homme que j'étais, je ne voudrais pas me retrouver dans ses souliers. Steven, est-ce qu'on a assez de munitions? Oui, papa, l'entrepôt est rempli à craquer. Le plus grand choix de sauver du coin vénitien que nous fabriquons sur place en n'importe quelle grandeur pendant que vous attendez. On est tanné de se faire imiter. Aidez-nous à écraser la compétition et vous serez les gagnants. En sort les gros canons, literie, édulant, couvre-lis, rideau, accessoires de salle de bain. Papa garantit de battre n'importe quel prix. Venez nous aider à gagner la guerre. Au bon marché, 3500 boulevard Saint-Joseph-Est. Oui! Oui! Cette semaine, comme plusieurs autres semaines dans ma vie, je m'attaquais pour votre bonheur, chers auditeurs, à répondre à cette question en apparence toute simple. Comment contacter Roger Normandin? À cette question posée franchement, à cette question dont la réponse peut s'avérer le plus doux de tous les baumes jamais apposés sur le mental de votre animateur, Gaël Adrien, Maxime Tessier, Ulrich Le Tourneur répond sans retenue. Comment contacter Roger Normandin? La question est simple en effet, mais tellement fondamentale. Comment peut-on s'adresser à un tel être? Par la voie de la prière? Par des sacrifices? Comment savoir? Ensuite, vient le questionnement en rapport avec la réponse. Doit-on assumer qu'il nous écoute constamment? Pourrons-nous concevoir et comprendre la forme que prendront ses réponses? Comment réagir à l'absence de réponse directe à nos prières? Est-ce un signe? Où sont les signes? Roger Normandin ne peut pas ne pas reconnaître notre soif de sa connaissance, mais pourtant, jamais il ne nous apparaît. Existe-t-il vraiment? La vie aurait-elle encore un sens sans lui et sa grandiose présence veillant au-dessus de nos têtes? Tout cela est une question de foi, mes frères, une question de foi. Brûlons quelques hérétiques ignares de la grande voie normandine pour nous attirer ses bonnes grâces et que les foudres de sa quadrille dimensionnelle colère s'abattent sur nous si jamais nous doutons de sa puissance. Quel homme ce Roger? Quel homme? Sûrement le plus unique créateur que le Québec ne nie. Notre race est pondue. Nous prévoyons retourner bientôt vers Shawinigan parce que depuis l'écriture de ce beau texte, on a réussi à répondre à la question « Comment contacter Roger Normandin? » C'est par d'aller à lac à la tortue, puis de cogner à la porte chez eux, puis de dire « Salut Roger, ça va? » De se rendre compte qu'il y a du beurre ça attend. Ouais. Puis nous amener... En fait, il vit un petit peu dans une espèce de garage là, à côté à sa maison. Puis c'est assez bien fait parce que Roger Normandin est un homme amoureux de cinéma, on le sait. Un homme qui fait aussi des mariages, tu sais, qui a sa compagnie d'animation de mariage et toutes ces affaires-là. Et puis, ben, Roger Normandin, c'est unique. Il n'y a pas deux Roger Normandin. Est-ce que tu connais Roger Normandin, Mathieu Bélanger? Honnêtement, je vous écoute parler, je me demande vraiment de quoi on parle depuis qu'on parle de M. Roger Normandin. Pour moi, c'est un illustre inconnu, mais je suis convaincu que c'est un homme d'un grand savoir et d'un grand magnétisme, plus qu'il en est question ici à cette émission. Ah, c'est sûr. Roger Normandin, en fait, c'est un cinéaste amateur qui est le penchant cinématographique de Normand Lamour, je te dirais. Ouais. Wow, ça doit être sublime. C'est assez unique. Toi, d'ailleurs, t'es chargé pour ta chronique pêche. Ah, ben ouais, aujourd'hui, on va parler petit poisson, gros poisson, celui qui est derrière la canne et celui qui est au bout de l'hameçon. Alors, mesdames et messieurs, le printemps s'en vient. Sentez-le, que ce soit par la chaleur ou par son odeur. Et nous avons une truite brune qui vient de faire l'apparition dans le studio. Ouais, j'ai ouvert la bière parce que c'est la pêche. Ah, ça va de mise, non? Exactement. Donc, oui. Ça va m'amener au premier point, hein. Chose à ne pas faire dans une chaloupe avant de parler de poissons dans l'eau, on va parler qu'il y en a aussi dans la chaloupe. La sécurité. Hein, la sécurité, c'est très important. Première des choses, avoir un gilet de sauvetage lorsqu'on est dans le bateau. Deuxième chose... Sauf si on n'est pas une moumoune. Moumoune ou pas moumoune, T'es sur l'eau, mon cher. Tu te dois d'être responsable. Voilà, prends pas de chance. Mais bon, écoute, moi, je te donne des conseils usuels de sécurité. Je suis pas là pour te surveiller. Il y a des gens qui sont payés pour ça et te mettre des contraventions. Ah oui? Oui, sur l'eau, il y a la police a le pouvoir de mettre des contraventions pour les gens qui n'ont pas leur ceinture, qui sont pactés au volant de leur bateau aussi. Hein, donc, Est-ce qu'il y a des genres de bateaux police? Ouais, on en voit sur le fleuve, généralement. Ils font des contrôles, pas routiers, mais bien maritimes. Là. Ben, je veux pas trop t'interrompre, mais c'est vraiment intéressant pour vous, fait que des choses qu'on sait pas. Là. Ah, ben moi non plus, je trouve ça super intéressant. En plus, je pense maintenant on doit suivre un cours, si je ne m'abuse, pour conduire une embarcation. Boat, ouais. Il faut un genre de permis comme pour un scooter. Là. Exactement. Ouais. Donc, il y a plusieurs règles nautiques à suivre. Et le gilet de sauvetage n'en est pas la moindre. Oui, c'est mieux ça qu'un petit canard gonflable, évidemment. Sinon, apprenez à nager. Cependant, le gilet de sauvetage, j'aimerais mentionner que c'est important, particulièrement au printemps et à l'automne, lorsque la température de l'eau est très froide. Alors, je vous rappelle, le phénomène qui se produit sur les lacs et les rivières, c'est que la glace fond. Alors, imaginez votre verre d'eau dans lequel vous mettez de l'eau froide et vous y faites fondre de l'eau froide et vous y faites fondre un glaçon. Elle devient encore plus froide. Oui. Eh bien, faites fondre la glace sur un lac et l'eau devient plus froide. Et jetez-vous y dedans et vous y serez en hypo. Ouais, quand que t'as froid. Thermie. C'est en plein ça. Merci pour votre aide. Mm-hmm. Donc, premier conseil, plutôt suggestion. En bateau, on ne boit pas de bière, hein? On boit du fort. Pourquoi? Parce que c'est fatigant de se lever pour faire pipi dans une canisse. Et rappelez-vous le dicton, ne pas pisser dans le vent marin. Eh bien, lorsque vous pissez dans le vent en bateau, je vous garantis quelques éclaboussures. Est-ce que ça peut arriver qu'on en fasse survoler sur les amis qui sont avec nous? Ben écoute, je te dirais même, si tu veux faire dos au vent, ça se peut que la personne avec qui tu es en chaloupe, j'espère pour toi que tu n'as pas de gêne, genre tu joues au hockey avec, parce qu'il se peut qu'il voit toi ainsi que ton engin dans ta main en train d'uriner. Par conséquent, ça peut être gênant à certains moments, mais bon, moi j'ai jamais fait de golden shower à personne personnellement alors que j'étais dans une expédition de pêche, ni jamais non, en général. On va dans le petit jardin secret de M. Bélanger. Oui, ça me fait plaisir d'ouvrir les portes. Et autre conseil, c'est éviter de vous rentrer les hameçons, les trépieds dans les doigts particulièrement. Ça peut être douloureux et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait une procédure qui avait été expliqué dans la sélection du Reader's Digest magazine très simple. Moi, Israël Trudel-Denis, j'ai lu la sélection du Reader's Digest il y a 2 semaines. Oh. Et je ne fais jamais ça. Et justement, c'est très dadon parce que j'ai vu la chronique comment faire tout. Puis comment enlever un hameçon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de le retirer car il y a un crochet au bout. Il faut plutôt le laisser rentrer plus creux dedans le doigt ou le pied où ce que c'est pris et faire ressortir la tête pour ensuite la couper avec un cutter et la ressortir après. C'est vraiment c'est hardcore. Il ouais. C'est ah ouais. Faut avoir le cœur solide. On peut se le faire à soi-même ou on peut le faire à quelqu'un d'autre. Mais tant qu'à faire, tu te poses un barbell sur le doigt après, tu sais, t'as déjà un trou. C'est le truc blindé du sélection du Reader's Digest. Mais t'as mentionné tout à l'heure pendant l'excellente chanson que... de la masturbation anonyme. Oui, que t'avais eu à le faire déjà dans ton passé. Oui, ça m'est arrivé l'an dernier. Alors sur le lac, je me suis pris un superbe trépied dans le doigt et c'était un hameçon tout neuf. Je l'ai pratiquement pas senti, donc je me suis mis dans la peau du poisson. Je me suis dit des fois ils peuvent bien pas se rendre compte qu'on vient d'y prendre. Mais moi, au bout de quelques secondes, je me suis bien rendu compte que j'étais pris. Et bien pris qui croyait prendre. Alors, sur le milieu du lac, alors c'est assez rigolo. On a une petite distance à parcourir, mais on a un mini moteur, un 4.5. C'est comme l'équivalent, je dirais, de... Deux personnes qui poussent avec leurs pieds en arrière. Ouais, à peu près. Là. Ouais. Puis là, tu pousses une mini. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait pas vraiment de vague sur le côté du bateau quand tu avances. Donc, il a fallu se diriger vers l'hôpital et tout. Ça a pris 1 heure de se rendre là. Je peux vous parler de l'hôpital de Magog. Si jamais vous arrivez un petit bobo, au lieu d'attendre ici 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, faites 1 heure de voiture et payez-vous le service d'un hôpital de région où les gens sont chaleureux, sympathiques. Il n'y a pratiquement pas de file d'attente. Petite parenthèse sur notre système de la santé. Oui, voilà. Alors, pour continuer dans cette veine, donc, moi, j'ai un hameçon dans le doigt, puis, le docteur me demande de tenir le leurre pendant qu'il examine le tout, et je hurle de douleur, évidemment, jusqu'à temps que je lui dise « Mais je n'en peux plus, je serais pas ici si je voulais pas que vous me cheliez le pouce. » Je l'ai le tout de suite. Et quelques sacres plus tard, ce fut fait. disons que j'ai insisté à toute... pour l'anesthésie. Ouais, même si c'était local, c'était bienvenu. Puis je pense que le plus fun là-dedans, c'est que le médecin m'a demandé si je voulais conserver ça là. J'ai dit, bien sûr, la prise qu'il a eue aujourd'hui, lui, il mérite de retourner dans mon coffre. Oui. Puis finalement, t'as-tu pogné un poisson avec plus tard dans l'année? Non, je l'ai pas réessayé, celle-là, pour être franc avec toi. Il m'intimide pas mal, là, tu sais, quand tu dis que... Encore peut-être un blocage, quelque chose à passer au travers. Ouais, c'est psychologique, hein. Là. Je vais investiguer. Une dose de vraie valeur. Hey, les mecs, merci beaucoup, Mathieu. On va continuer plus tard à apprendre quoi faire avec les poissons. Ouais. Est-ce que peut-être le rapala, t'as peut-être un conseil avec le rapala, quelque chose? Ah, écoutez, des rapala, des cuillères, des menées, pêcher au mort, pêcher au vif, arrêté, assis debout. Je pense que c'est juste couché que j'ai pas déjà pêché. Mais toutes les techniques sont bonnes, pareil. Ah, écoutez, il y a juste la dynamite que je pratique pas et c'est illégal. Et voilà, c'est ça bien. Explique bien le pourquoi. T'as l'air d'un pêcheur vraiment honnête, là. Tu sais, toi, là, tu dois ramasser ton quota puis pas en faire plus. Ah non, mais moi, quand je dis qu'elle mesure ça de grand, elle mesure vraiment ça de grand, là. Ah oui. Tu sais, elle est pas grande comme ça. C'est une question pour l'ami pêcheur. Ben vas-y, moi, j'essaie de trouver mon petit exprès. Parce que mon chum Sébastien Tessier, de la région de l'Abitibi, a déjà fait ça. Il a comme ramassé le plus gros poisson de sa vie, tu vois, tu sais, ça arrive à chacun de ses pêcheurs. Est-ce que tu l'as fait empailler? Moi, j'ai pas fait empailler la plus grosse prise, non. Non, mais étais-tu grosse? C'était immense. C'était pas gigantesque, là. C'était un bon 8 livres, là. Mais, tu sais, je veux dire, en prendre une de 20 livres, je vais prendre bien des photos, je la mangerai même pas. Puis, empailler? Ça coûte une beurrée à cette grandeur-là. Mais tu sais, quand tu dis que t'en repogneras pas un de cette grosseur-là, ça vaut le petit luxe. Tu sais, t'as fait empailler, tu y mets un petit moteur dedans, puis quand tu pèses sur un piton, elle chante une chanson, puis elle bouge. Ben ouais, ça marche pas de même. Non. C'est sûr, super spook. Hey, on va aller écouter Soleil immonde de Renaud, puis on va revenir à 70%. Je pense que j'ai trouvé des extraits ici des Shepherd Boys. Là. On va pouvoir écouter ça, là, mais ça va être des pubs en revenant. Voilà, je vous l'ai dit. Et des belles. Des meilleures pubs. Ça me rappelle le bon vieux temps, Renaud. Hein? Moi, j'ai passé au travers de la perte de ma première blonde grâce à cette tune-là. Sacré Renaud. Pas fini de vomir ma bière. Le soleil, on a rien à foutre. Mon estomac fait sa prière. Trop d'amour me pèse. Toi, tu me quittes sans rigoler. C'est comme si j'avais avalé une chaise en heureux. Il faut beaucoup que je boive pour digérer. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. D'autres filles passent. Sa chanson. J'ai pas vu la tête du facteur. Mon téléphone ne sonne plus. Les oiseaux crient des sons moqueurs. Y'a plus personne qui m'aime plus. Le bar est plein de solitude. Mon amour n'est plus de saison. Je ne bois pas par habitude. Mais pour douter de ma passion. Fais passer par la fin du monde. D'autres filles passeront sous les ponts. Et la nature que le soleil inonde nous rechante chaque fois sa chanson. Que le soleil. senti ma tête écraser le poteau. Toi tu voudrais qu'on reste bons amis. Je me vois déjà plus sur les photos. Je me fous de l'odeur des roses et de celles qui pourraient m'aimer. Les gens me parlent d'autre chose. Il y en a pas un qui m'aidera à pleurer. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. Chante chaque fois sa chanson. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. Notre vie passe sous les bons. Et la nature et son soleil immonde nous rechante chaque fois sa chanson. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Tout ça pour vous dire qu'il n'y en aura pas de commercial pour les brasseurs de la bière 5 ans. Lui, il connaît ça. Une bonne idée pour ton terrain? Demande-donc un débrouillard 5 ans. Ça, ça servait à rien l'été. Maintenant, mes tomates ont un mois d'avance chez vous. Ouais, mais nous autres, les gros singes dans nos jardins, on n'a plus. Quelques trous dedans, de l'eau, puis l'hiver, le gel de la casse pour toi. Hey, ça pousse tellement vite ici que ça va te prendre mon truc pour tailler ta haie sans échelle. Tu trouveras jamais de meilleur monde. Tu trouveras jamais de meilleure bière. Le temps des fêtes est arrivé. Chez Molson, on est content d'être de la partie. Ça fait tout près de 200 ans que notre bière est brassée ici. Pour ceux qui aiment prendre une Molson, ou ceux qui choisissent la Laurentide, ceux qui préfèrent Molson légère et ceux qui reçoivent avec Prador, Molson vous offre un joyeux choix pour de joyeuses, joyeux fêtes. Ah! Alors, je vais y aller avec un petit éditorial maintenant, parce que c'est rare que j'en fais, puis c'est le fun. Alors, mon éditorial qui s'intitule « Crise de fille ». Cool! Ça commence. Alors, en Oregon, ou... Non, calvaire. OK, en Oregon, il y a une femme, ou un homme, là. OK, bon, regarde. C'est une femme qui a changé de sexe, puis est devenue un homme, physiquement et légalement. Elle s'est mariée avec une femme, et puis là, il ou elle veut avoir un enfant. C'est comme un enfant, la personne qui a changé de sexe veut avoir... OK, pour changer de sexe, on n'a pas besoin de perdre ses organes reproducteurs. Donc, cette femelle qui s'est dit qu'elle pourrait avoir un enfant, puis là, ben ils se font revirer de bord par plein de médecins, puis il y a plein de gens qui rient d'eux. Là, vous me voyez venir un peu, je pense. Bon, j'ai rien contre le mariage gay, là. J'ai rien contre le changement de sexe. J'ai rien contre le changement de sexe, puis le mariage après. Mais là, calice, veux-tu être un homme ou une femme? Tu sais, je veux dire, tu changes de sexe, mais non, pourquoi? Moi, je veux être un hermaphrodite. C'est ça le sexe que j'ai choisi. Tu sais, tu veux faire quelque chose dans le genre changer de sexe, mais tu veux quand même garder le pouvoir reproducteur du sexe que t'étais avant. Bon, faut pas que tu t'énanes que le monde rit de toi. En tout cas, moi, je dis juste calice de vie. Ou ouais, calice d'homme, là. C'est ce qu'ils disent, le volume était au maximum hein, dans leur chanson Fille de l'espace. Ça commence en disant est-ce que c'est une fille ou un gars-fille? C'est ça qu'ils disent. Oh boy, hein. Fait que moi, je vais faire une entrée dans le livre des records Guinness. De 1977. De 1977, attention. C'est le couteau avec le plus de lames. Wow. C'est pas pire, ça. Le couteau, il rajoute une lame par année sur ce couteau-là. Et ils disent que d'ici l'an 2000, there will be no more space for new blades. Fait que d'ici l'an 2000, il n'y aura plus de place de ce couteau. Ouais. Donc ouais. Ce couteau doit être encore dans le livre de records Guinness comme étant celui qui, depuis l'an 2000, a le c'est plus de... C'est Swiss Army. Ah, puis j'ai aussi la plus expensive wristwatch, la montre la plus coûteuse au monde. Attention, attention, elle est toute en diamant, tu sais, comme toutes, là. Et sa valeur remonte à 47 500 $. Pour avoir une montre. Où c'est qu'on va, où c'est qu'on va pogner cet argent-là, 47 500 $ pour acheter une montre? Une montre! 47 500 $, c'est bien cher! Toutes des diamants, de sûr! Mais qu'est-ce qui est pas mal drôle, c'est que j'ai l'impression que les nouveaux bling-bling de rappeurs dans leur coût, ils coûtent probablement qu'ils coûtent plus cher que ça. 1977, hein, c'est, ouais. Hey, c'était avant la première crise économique du pétrole, ça, là. Fait que, est-ce qu'on poursuit en pêche ou en nouvelle? Moi, je dis Mathieu choisi. Ah, on va continuer avec les nouvelles. Ça, c'est une nouvelle, palpitant. Ouais. OK, je vais faire une autre nouvelle. Okay. Anus. Ouais, je t'ai rendu là. Donc, il y a une Allemande de 78 ans qui va à l'hôpital pour se faire opérer la jambe, problème de genou. Mais malheureusement, une série d'erreurs des médecins ont mené à une opération pas nécessaire ou... À l'anus. Ouais. L'équipe de chirurgiens de la clinique allemande a installé une prothèse de sphincter anal sur le mauvais patient. En ouais. Plus, elle s'est même pas fait opérer la rotule. Il y aura procès. Fait que là, c'est quoi une prothèse de sphincter anal? C'est quand t'as plus de sphincter anal, là. OK. T'en mets une prothèse. Tu sais, la petite poche sur le côté que tu te promènes avec ton sac rempli de tes propres... Ça s'appelle une stomie. Ah! Yeah. Ben, ça sauve des couches, hein, plus tard. C'est ouais. Et peut-être de la dignité un petit peu aussi. Peut-être. Un tout petit peu. Moi, je chialerais pas à sa place, elle en a un nouveau, tu sais, qui est rendu un cyborg. Hey, ça, c'est hot. Elle va dominer le monde. J'avais un ancien collègue de travail quand il servait les gens, puis il y avait ça, justement. Là, une prothèse de sphincter? Exactement. Puis il y avait pour son dire que le client ne faisait pas son bonheur, il lui chiait en pleine face. Et voilà, c'était involontaire, mais tellement bien senti. Eh ouais, avec un petit peu de retenue. Hey, moi, je vais mettre ici quelques séquences qui viennent des Shepherd Boys. Ça va être le film qu'on va écouter chez nous tantôt. Les Shepherd Boys, c'est un film qui a été réalisé par un gars que j'ai oublié son nom, là, puis j'ai oublié mon texte. Mais le gars, il a à peu près, je dirais, l'âge du cégep. C'est lui qui joue le rôle du héros. Ça explique peut-être la thématique qui tourne autour de la masturbation et de fumer des cigarettes pour être belle. L'acceptation d'un jeune garçon au sein d'un groupe skinette, d'amis de, ben, c'est des anarches de la poly, là. Je veux dire, ils sont inoffensifs, là. Il y a rien à faire avec ça, là. Mais, c'est ça, cela dit, c'est vraiment des considérations de jeunes garçons de leur époque. On va aller écouter les Shepherd Boys, 90 secondes d'extrait commenté parce que ça a été découpé d'un show de jadis ici à 70%. Vous allez peut-être reconnaître du monde, il va avoir moins, ça c'est sûr. On écoute Shepherd Boys, on revient à 70%. Et merde, le premier pistonnage. Oh mon dieu, une chance qu'on va pas. Je n'ai pas de condom, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas attraper de maladie ou autre chose. On se voit, t'as dit par des gars de proies. T'es malade? C'est un ballon. Et pense-y, ta première baise. Sur un ballon? Ouais, c'est qu'il n'y a pas de condom, fait qu'il va prendre un ballon. Après le repas. Palata veut pas de coups dans les parties. Barb les a vraiment malmenés. Ça ne serait pas juste que tu le frappes là. Alors t'as droit à une règle. Pas touche aux oreilles. Je lui frappe pas dans les couilles s'il me tire pas les oreilles. Je vais faire de toi un Shepherd Boy. C'est du grand cinéma, là, on s'entend. Tu m'entends, je vais faire de toi un Shepherd Boy. Tout ce que tu as à faire, c'est de battre l'un de nous. Seulement l'un de nous. Avec qui je dois me battre? Je m'arrangerai pour JWP, c'est vraiment le plus indécis. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre un coup et de rester sur le tapis. Rester sur le tapis. Mais s'il me tire les oreilles, déteste ça. Oh, t'inquiète pas, il ne te tirera pas les oreilles. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre cette châtaigne et de rester sur le tapis. C'est un des moments intenses du film. Ça doit être un seul coup. Il ne te tirera pas les oreilles. Non. Non. Pas les oreilles. Je croyais que ce serait plus difficile de devenir un Shepherd Boy. Il y a encore une chose, mais te préoccupe pas de ça tout de suite. Tout ce que tu dois te rappeler, ouais, c'est de prendre un arbre et de rester Années 50, hein? Allons-y. Je pense que c'est 1996, mais ça a l'air d'être années 50. Ouais. Les acteurs qui doublent ça, ils ont l'air tellement convaincants. Ouais. Ils ont la convaincu. Bien sûr. Oh. Tu as fait preuve de beaucoup de courage pour une mauviette. Courage pour affronter les cauchemars. Ils sont touchés. Je comprends pas, Edge. Personne n'est plus courageux que toi. C'est toi le chef des Shepherd Boys. Je crois que la seule personne qui puisse comprendre, c'est ma nièce, Angie. Et personne d'autre. C'est tellement vrai, hein? Angie, Angie. Tu crois que Brad sera là? On a bientôt fini les extraits, là. Fais-moi un peu. Et quoi, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais que je serai là. Ça ne fera pas de moi un héros. Ça veut juste dire que je suis stupide. C'est un Québécois qui traduit. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a de l'action. Ouais, y en a un qui a un petit peu. Je sais pas qui c'est. C'est Donald Duck. Tout est ma faute. Ouais, il y a des petits problèmes d'élection. Quoi vous fassiez, ne les laissez pas vous sentir ou encore vous lécher. Ne les laissez pas vous sentir ou encore vous lécher. Surtout pas. Prête-moi-les. Ne les laissez pas vous sentir ou encore vous lécher. Je comprends. Remix. Tu peux descendre maintenant. Okay. Non. Il est complètement sonné, alors tu peux descendre maintenant. Je veux pas descendre. Je veux plus être un shepherd boy maintenant. Non, non, non. Je t'en prie, allez, tu dis des conneries, descends de cet arbre. Moi, c'est le genre de film qu'on met dans un party, en fin de party. Là. Ah oui, c'est... Tu veux que je le frappe encore? Ah ouais. Tu veux que je le tue? Background. Et ensuite, je vais me ramasser en prison. Et je vais me faire enculer. C'est ça que tu veux? C'est pas l'enchant. Non, non, fais pas ça, non. Ouais, ça marche. De bons ingrédients. Seulement des ingrédients de première qualité entrent dans la composition de chaque lasagne au ranch du spaghetti. Une lasagne faite d'une pâte de premier choix, d'une sauce succulente, de fromage. Une lasagne cuite juste à point et servie à son meilleur. Appétissant. Au ranch du spaghetti, c'est avec de bons ingrédients qu'on vous prépare les meilleures recettes de votre mère. L'athlète Sol, l'athlète de l'informatique. Oui, le maître de l'électronique fait une entrée percutante dans le monde de l'informatique en vous faisant une offre imbattable. Pour un temps limité, ce Pentium Intel 133 multimédia, 32 MB de mémoire vive, CD-ROM 8X, Windows 95 en français, carte de son 16 bits, haut-parleur 60 watts, carte vidéo 64 bits, garantie 2 ans et une ligne support en 800. Tout ça pour seulement 1999$ et ne payer qu'en 97, une offre imbattable. L'athlète Sol, l'athlète de l'informatique. Seulement 2000$. Sérieux, c'est vraiment drôle, le vieux Guinness Book of World Records. Ben, vas-y. Là, j'ai le record pour le apple peeling. Tu sais, quand tu pèles une pomme puis tu veux pas que ça casse. Là, OK. Là. 155 pieds. de pleurs de pommes qui est tiré de la même pomme. Ouais, c'est ça. Oh, okay. C'était mince. Ça casse pas. C'est comme c'est une madame. Là, puis, là, c'est pratiqué. Là, c'est ça. Bon. Puis il y a un gars qui s'est balancé, qui s'est tenu sur juste un pied pendant 8h46 minutes. Hey, OK, vas-y, mon chum, pêche. Il y a un gars qui s'est tenu sur un pied en Inde depuis pendant quelque chose comme 40 ans. Là, il y avait... En tout cas, vas-y, Mathieu, parle-moi de ou... Hey, n'importe quoi, hein, pour être dans ce livre-là, pareil, il y a du monde qui sont prêts à tout. C'est la magie. 15e édition, même. Quand même, hein, puis ça, moi, je repense à... Sur le dessus, c'est écrit « Full color photo section », là. Sérieux, ça dure 4 pages. C'est une section. Alors, pour continuer à parler de le magnifique sport et noble qu'est la pêche sportive, alors on parle bien de pêche sportive ici et non commerciale, quoique mon cœur va avec tous nos amis de la Gaspésie, du bas du fleuve et de la Côte-Nord qui nous pêchent morues, flétans et autres crustacés. Eh ben oui, ça c'est bon. Qui nous font grand plaisir. Alors, parlons des espèces sportives que nous pouvons trouver au Québec. Alors, il y en a quelques-unes et je vais vous les nommer. Je vous ferai pas une description, mais je vous ferai plutôt une suggestion par la suite pour pouvoir bien les identifier et les admirer. Alors, au Québec, nous avons plusieurs populations de truites. Il y en a deux qui sont indigènes, soit la truite de lac, truite grise, ou sous son nom scientifique, le touladi. Donc, le touladi, disons, le plus gros des spécimens qu'on peut retrouver. Alors, ça se voit, je pense, un des records, c'est un truc comme 73 livres, là, une espèce de monstre qui a été pêché dans un lac du Grand Nord québécois, tu sais, genre de poisson qui doit avoir comme 150 ans. C'est gigantesque, là. Je pense que la tête, elle doit avoir, quand elle ouvre la bouche, une affaire comme un pied et demi. Là. C'est comme Jaws, là, mais en eau douce. Alors, ça, c'est le plus grand de la famille. Ensuite, nous avons l'autre truite indigène qui est l'omble de fontaine, mieux connue sous le nom de truite mouchetée. Alors, la truite mouchetée, si vous avez été à la pêche dans une pourvoirie, mettons, on va appeler ça au pays de Réal-Massé, là, où la pisciculture déverse directement les poissons dans le lac, vous en aurez pris beaucoup. Alors, c'est le poisson et l'espèce sportive la préférée des Québécois. Ensuite, nous avons la truite arc-en-ciel, qui est une espèce introduite artificiellement de l'Europe. Je crois que c'est la Scandinavie. Oh. Ou peut-être je m'avance sur des choses qui sont fausses. Mais néanmoins, la dernière chose que je vais vous dire est la suivante, c'est que nous avons aussi la truite brune qui a été introduite de l'Europe. Et cette truite a la particularité d'être réputée très rusée et très peureuse. Oh. Alors rappelons-nous qu'elle est pêchée, que soit harponnée par toutes les méthodes en Europe depuis plusieurs milliers d'années. Donc ce poisson a développé un certain sens inné. De prendre ses jambes à son cou. Exactement. Donc, il y a un côté génétique là-dedans. Et je veux aussi vous dire, au Québec, que nous avons le saumon de l'Atlantique qui remonte plusieurs de nos rivières. Et d'ailleurs, il y a des efforts qui sont faits pour revitaliser certains cours d'eau, notamment, je pense, à la rivière Rouelle. Et ce poisson qui est anadrome, donc qui vit en eau douce et en eau salée. Anadrome, ouais. Donc, ouh, il se... Un nouveau mot ici, les amis, on répète. Anadrome. Et voilà, merci. Alors, il vit en eau salée et se reproduit en eau douce. Alors, tout à voir avec la reproduction. Et ce dernier, saumon, un cousin génétiquement un peu différent, mais que c'est la même chose, on appelle ça un wananish. Donc, ça vient... C'est un mot qu'on connaît, ça. Ouais, c'est un mot qui vient, je crois, du... D'une langue. Exactement. Du gène. C'est ça, des Premières Nations. Alors, en anglais, son nom est plus évocateur, c'est le Landlocked Salmon. Landlock veut dire embarré dans les terres. Donc, à l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple le lac Saint-Jean. Il y a une population assez importante de ce type de saumon qui est resté pris dans les terres lors d'une des glaciations, laquelle au juste, je peux pas vous le dire, mais ça remonte à là. Alors, toutes les truites, là, je peux vous dire une chose, c'est on peut les pêcher à la traîne, à l'arrêt, avec un verre, avec un rapala, un leurre artificiel flottant, qui est, selon moi, la plus belle invention de l'homme, pour l'homme. Pour la pêche. C'est plein d'émotions, c'est beau. Ah, mais c'est tellement passionnant. Ensuite, je vais vous parler des autres espèces sportives qu'on peut retrouver dans nos lacs et rivières qui sont aussi super cool. Alors, il y a l'achigan. L'achigan, là, ça, c'est vraiment un petit bijou. Là. Personnellement, moi, je trippe à pêcher ce joli poisson. Non seulement sa chair blanche et ferme est délicieuse, mais c'est un combattant, hein, je crois. Achigan, encore un nom de l'Amérindien. Qui veut dire qu'il n'abandonne pas ou qu'il se bat, là, un truc dans le genre. Oui, là, c'est la petite et la grande bouche. Là, la grande bouche, c'est quelque chose. Ouais, ça, la grande bouche a une grande bouche, puis la petite bouche, c'est la plus petite. On les retrouve dans des environnements. Dans le roseau. Ouais, exactement. Ouais. Là, tu sais, quand c'est pas pêchable, là, ben, tu tires ta ligne-là, t'as des bonnes chances d'en prendre une. Puis en tout cas, si la chigan était un homme et j'avais à me battre avec, mettons que t'aurais beau lui donner des coups de batte de baseball en arrière de la tête, de le tirer 3 balles dans chaque genou, il se relèverait et te courrait après pour t'infliger plus de coups lui aussi. Alors, je qualifierais la chigan de dur à cuire. Et nous avons ensuite le doré, qui est un poisson nocturne avec des yeux qui ont peur de la lumière. Donc, c'est une espèce qui est préférable de pêcher à l'orée du jour, donc soit entre chien et loup, entre loup et chien. Matin. Exactement. Oh, ben voilà. À l'orée de la journée. Et ou la nuit, mais bon, personnellement, moi, je ne trippe pas à pêcher la nuit, là, ça manque de paysage. Ensuite, c'est important, la pêche, hein, y a pas juste le poisson, il y a tout l'aspect détente, relaxation, profiter de la nature. Écouter le coulement de l'eau et ces affaires-là. Exactement, c'est très zen et c'est très relaxant. Alors, je connais pas grand monde stressé qui part de la pêche, mais ça arrive. Ensuite, le doré, qu'il soit jaune ou noir, son cousin, le petit doré noir et de plus petite taille, se pêche à la dandinette ou au vif. Alors, quand je parle de vif, on parle de, bien sûr, d'appât vivant. Mm-hmm. À ne pas confondre avec toute autre chose qui pourrait être au vif. Et pour terminer, nous allons parler du requin d'eau douce. Que, ben, en fait, il y en a deux au Québec, là, mais il y en a un qu'on appelle le brochet. Alors, on m'a dit tantôt, statistique intéressante de Tommy, qu'il y avait environ combien de dents dans la gueule d'un brochet? C'est entre 3 et 4 000 dents dans la bouche d'un brochet. C'est incroyable. C'est alors, l'animal qui a le plus de dents. Et il peut imaginer s'il a une dent contre vous, comment ça peut être long et pénible. Et le brochet a un autre cousin qui s'appelle le masquinongé. Masquinongé est une superbe machine à tuer vivant en eau douce. Alors, le gentil masquinongé se poste à l'affût, tout comme le brochet, et il attend que des proies étourdies, égarées, se présentent devant lui. Il lui saute dessus rapidement et furtivement pour n'en faire qu'une seule bouchée. Et voilà. C'est pour ça que c'est assez rough à pêcher aussi, hein, parce que souvent, il mange, puis après ça, il sauve dans l'autre direction vite, vite, vite. Là. Et voilà. Combien d'histoires de masquinongés avons-nous entendues sans que jamais le masquinongé ne soit dans le bateau? Alors, si toutes les espèces que je vous ai nommées, à l'exception du brochet et du masquinongé, sont des choses que vous aimeriez voir ou découvrir ou faire découvrir à des gens de votre entourage, de votre famille, je vous invite à vous présenter au Biodôme de Montréal. Et voilà. Vous pourrez voir tout cela dans le magnifique bassin. Ouais, puis c'est très beau, j'y étais. Ça vaut la peine une fois de temps en temps. Ouais, j'étais allé cette année, c'est une fois. Ouais, j'étais allé en fin de semaine, une belle activité. Il y a une caméra à l'intérieur de la dame du castor en plus, c'est super le fun. Tu peux voir la femelle qui TV, reality show. Ouais, reality show. C'est la love story des castors. Briefement, le plus long set de DJ. Par Mark Goldman de Woodstock à New York, il a fait 800 heures de spinage de vinyle. Oh! Wow. Puis le plus petit limbo. Par Marlène Raymond, 15 ans. 6 pouces et demi. Elle a le droit de toucher le sol avec ses omoplates, mais pas sa tête. Oh. Puis juste le bas de ses pieds. Ouais, les omoplates, ouais. En tout cas, déjà, c'est ça, la règle du limbo. Hein. Moi, je suis pas ben au courant. Ouais, merci beaucoup, Mathieu Bélanger. Très sympathique. On va écouter ici le début. Bon, en tout cas, vous allez voir, là, on l'écoutera pas au complet. C'est un cover de Mr. Bongo. Puis on va revenir pour le mot de la fin à 70%. Une émission chargée, mais qui est bien passée. Tu restes une nouvelle, toi, Bruno? Je pourrais parler d'un homme de 81 ans avec des pensées suicidaires qui a accès à Internet. C'est un cocktail explosif. Ah, cool. T'as garde pour après le petit bout, puis on en reparle. D'accord. Jamais un sou pour nos sorties, jusqu'au moment où je l'ai envoyé magasiner aux habits d'Orion. Maintenant, il paierait mieux que jamais à moitié prix. Viens, on va danser. Mon ami est l'homme le mieux habillé dans ce bureau. Il achète tous ses vêtements aux habits d'Orion. Ses chemisiers, ses cravates, même son nouveau manteau. Et tout lui coûte à moitié moins cher. J'adore les hommes intelligents. Aux habits d'Orion, où vous payez deux fois moins cher en paraissant mieux que jamais. Alors, Alors, c'est pas très, très long comme nouvelle, en fait. Tu m'as coupé, ça. Mais c'est un homme de Queensland, en Australie, qui a trouvé les plans pour fabriquer un robot qui tire du gun. Alors, il est mort de multiples blessures par balle à la tête. Ben, je trouve ça bon, moi, de même. Ça a fait comme le punch après. Fait que le vieux monsieur, il était tellement motivé. Qu'il s'est fabriqué un robot pour être sûr de pas se manquer avec sa 22. Aïe, aïe, c'est spook, ça. S'il passait ses soirées là-dessus, on finit 70%. Les vraies valeurs, man. Fait que je tenais à dire que Tommy, je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime, Israël. Ça a été une grosse semaine. Merci beaucoup, Mathieu Bélanger. Merci, Mathieu. C'était super intéressant. Moi, j'ai aimé ça. Ben ouais, c'est le fun, ça. Tu nous ramèneras... Un autre tantôt, je ferai un parallèle avec la vente et le marketing. Oh, ben voilà, hein. Sinon, ben Bruno Corbin, fidèle au toujours. Poste. Et ouais. Voilà, et puis Israël Trudeau-Denis. On est là la semaine prochaine à 70%. Là, je pense qu'on va vous laisser avec la fin d'un sketch. Là, ça vient de un excellent film qui s'appelle The Wrong Guy, du cours pour Ian Nelson. Vous allez voir, là, il parle des vraies valeurs. À la prochaine. Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-hôpital. Le sang est vieux. Faut écouter, j'ai douté. Super flic que je me garde en otage! Êtes-vous en train de dire qu'il y a un autre otage qui est caché? T'es pas un super flic alors? T'es rien qu'un crétin, c'est ça? Non, je suis. Non, c'est vrai, Lynn, je suis pas un super flic. Oh, c'est ce que j'ai pensé, mais je voulais pas te faire honte devant l'assassin. Oh. Très bien! J'ai peut-être pas de super flic, mais il y a tout de même deux vies en jeu, pas vrai? Toutes nos excuses. Un de nos jeunes a voulu faire du zèle. D'accord! Mais si un de vos hommes me tire encore dessus, j'élimine un de mes otages! On ne veut pas qu'il y ait de blessé. Je suis déjà blessé! Je sais, c'est pas de raison pour que quelqu'un d'autre le soit. D'accord? Il y a sûrement un moyen de s'entendre. Vous suggérez quoi? Danser votre arme. Et qu'est-ce que ça me donne? J'en sais rien. Dis au tireur de se tenir prêt. J'ai entendu! Désolé. Très bien, j'ai une meilleure idée. La voie libre à la frontière. $1 million comptant. Et un hélicoptère. Minute! Pourquoi? J'ai toujours voulu conduire un hélicoptère. L'hélicoptère est déjà en route. J'ai pas besoin d'un hélicoptère! Il est en route. Annulez-le! Trop tard, il est commandé. Je peux pas l'annuler. Si vous envoyez un hélicoptère, j'en élimine un! Libérez un des otages et je fais annuler l'hélicoptère. Je suis sérieux! Ha! Ha! Qu'est-ce que c'est que ça? Ici Jérôme Macourt du Roi Poisson. Et JV Truitt, toujours du Roi Poisson. Vous écoutez... Choc FM! L'équipe du Second Cup du 4287 Saint-Denis vous invite à tous les jeudis à partir de 20h pour ses soirées jazzy mettant en vedette Chloé. Elle saura vous charmer avec ses chansons R&B, jazz et lounge. De plus, profitez de l'offre spéciale qui vous est offerte, 2 pour 1 sur tous les breuvages en tout temps, sur présentation bien sûr de votre carte étudiante de l'UQAM. Exclusivement